proie de ceux qui marchent debout un peu comme deux sur trois. Jamais à genoux pour réussir ne compte que sur toi. Faut te mettre bien ou tes mômes seront de futures proies. Figure-toi que moi-même j'avais pas ce que je foutais là. Mener les pieds dans ce starting block, j'allais pas rester là. Alors là pour sauter les étapes comme elle a dit d'où courir. Dis-moi aussi, je sais pas pourquoi je cours, j'ai vu que vous couriez. Là sans trop savoir, loin des crossovers, à gratter la rue cette grosse avare. Chaque matin, wesh poteau, ça va, laisse tomber. Puis y a eu Madame Rap avec sa chaîne sur la cheville. Elle était glamour comme un coup de talon aiguille. J'ai su dès lors que moi 16 j'étais là pour être son Mac. Qu'un jour je la mettrai en vitrine dans tous les bacs. Depuis je suis comme emprisonné et dit je suis là pour ça. Tiens, tiens, et toi poteau t'es là pour quoi? Avec le cœur dans le poste des chauffeurs livreurs pendant 8 heures. Plus proche du peuple que des restas. On conduit mal avec une grosse conduite de balle à la Nesta. On me demande, je suis là pourquoi, comme si j'étais un arrivant. J'ai frappé la zig, elle est repartie les pieds devant. Je plombe l'ambiance, 2-3 balles dans la cafetière. On parle trop mal, donc ça s'annonce tard pour nos carrières. Je suis là pourquoi, je gagne la rime avec une baramine. Trop violent, mon 16 écrit avec une carabine. Je suis là pourquoi, demande à Joe et aux petites frelottes. Mon son est lourd, te chauffe les oreilles quand tu grelottes. De toute façon, y'a que les bouffons qui se la racontent. Je joue pour mon bif et sur mon dos, j'ai mon numéro de compte. Je suis là pourquoi, les Yvelines, on pine les styles, on maîtrise les rimes comme un Hermine. Voilà pour se la raconter, c'est que du congrès, mais ça tu le sais. Ça tu le sais. Pas de petits que des gros projets. L'a décidé, frère il est vrai que parfois les femmes ont de ses idées. Plaisante bien sûr, elle voulait réduire la nécessité. Et que je sois là pour un salaire à ma pointure. Vous faites un peu comme toi, non? Alors si l'autre est là, c'est que nous aussi on peut être là, non? Nous, on a des envies de bon que seuls les coursiers peuvent comprendre. Dis-le que je suis hal, tu vas rien leur apprendre. Je suis là, tu me vois pas, tu veux que j'aille où? Ici les prisons sont les centres de formation de voyous. J'ai plus de chico, trop bitumeux, j'ai mangé le caillou. Une boule à facettes dans la boîte crânienne et un babou. On est là, trésor et César, y'a pas d'hasard. Ça sent l'Afrique dans notre rap de maquisard. Renoir, pourquoi t'es là? Flippe pas, on est libre, y'a des vies, beaucoup plus survivre mais vivre. Voilà pour cela raconter, c'est que du congrès, ça tu sais.